seul sous la pluie, les orages. Tellement seul que personne ne connaissait son âge. Le malheureux disait simplement qu'il avait vécu sa vie avant. Et maintenant il est toujours seul face à sa peine. Il traîne dans les bars et sa chope est toujours pleine. Mais sans penser au lendemain qui viendra bien vite, l'homme continue et continue, cuite sur cuite. Big la lune veille bien, mais ne retourne pas sur terre. Aurais-tu juste pensé une fois au malheur de ta mère qui te regarde là-haut et toi en bas? Ouais mais toi Big la lune t'es pas comme ça. Un père de trois enfants qui ne savait plus qu'il en avait, et des verres d'alcool pour enfermer ses plaies. Avec son gros ventre plein de bière, on confondrait au Père Noël des pubs avec son verre de muscadet. Mais le Père Noël, lui, vêtu de rouge, la tête aux pieds, pour Big la lune, le rouge se tenait sur sa gueule de bourré. Le malheureux disait pas très souvent qui avait fait quelque chose de sa vie qu'on retiendra pendant longtemps. Mais Big la lune veille bien, mais ne retourne pas sur terre. Aurais-tu juste pensé une fois au malheur de ta mère qui te regarde là-haut, qui te regarde et là-haut. Toi en bas? Ouais mais toi Big la lune t'es pas comme ça. Un bistrot perdu là-bas, au sous-sol, tous ses potes anonymes le consolent par un petit verre de rouge, le dernier pour le moral, pour la santé, tout ce que tu veux, ça fait pas de mal. Depuis que la lune dépense sans compter, toute sa famille s'est mise à le détester. Depuis que la lune dépense sans penser, le seul plaisir qu'il a, c'est boire et pioncer. Mais Big la lune veille bien, mais ne retourne pas sur terre. Aurais-tu juste pensé une fois au malheur de ta mère qui te regarde là-haut, qui te regarde et là-haut. Toi en bas? Ouais mais toi Big la lune t'es pas comme ça. T'existes pas, t'existes pas, wow.